Oh Baba, ça vaut quoi mon refrain, tranquille? Ça va toi, on peut se voir ou quoi? Je suis sur Paris en ce moment. Ah ouais, t'es sur Paname, hein? Bah vas-y, tu sais quoi, je t'envoie une adresse sur Signal, appelle-moi quand tu y es, frère. Allez, ça va, on fait comme ça. Vas-y, salam. Alors, Baba, ça va ou quoi? Ça me refait? Tranquille. Tranquillement? Ça va, ça va. Quelle bonne nouvelle, dis-moi. Bon, je vais rentrer bon en ce moment, ça te dit? Tu te sens te mettre dessus ou pas? J'avoue, je te mens pas, mon refrain en ce moment, j'ai arrêté avec ça, tu vois. Moi, je suis toujours comme avant, dans les bras comme mon ref. Putain, tu as pas arrêté, toujours dans ça, hein, comme au bon vieux temps, hein. Comme au bon vieux temps, mon ref. Ah ouais, ça bouge pas. Mais qu'est-ce que je voulais dire? T'as vu tes potos à toi, là? S'ils peuvent m'avoir des plans d'explosifs, t'as capté pour un coup. Qui est gros, là? Ouais. Essaye de me brancher, s'il te plaît, avec eux. Ouais, c'est bon, nickel, je suis bien en ce moment, c'est avec eux. C'est bon, je les vois, là, dans pas longtemps. Je reviens vers toi direct, t'inquiète, c'est bon. On fait comme ça.